Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy. Comment ça va? Ça va, moi aussi. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Tonight, I posted the bad news on Facebook. Mm-hmm. From Amadou and Mariam, just passed at 70 years old. Yeah. So, because we've played a lot of Amadou throughout the years, and we went to see them at the Cedar, we're going to play some songs from Amadou and Mariam. First, the songs by them and from them, but after that, some collaborations that they've done with other people. So they've done a lot of duo and things like that. So the first three songs we're going to listen to are, of course, I don't have my list right now. Well, in the meantime, I can say something about Amadou et Mariam, please, which is connected with what's going on politically right now. The school for blind kids that they attended 50, 60 years ago when they were kids in Bamako is still, you know, running. And it relies a lot on NGOs that are funded in part, by the US, to a large extent, by USAID. And because of what has been happening, that school might actually have to close sometime in the near future. Wow, that's sad. But I learned that, I think, yesterday or today. So that's... It is sad. So the first three songs we're going to listen to are from Amadou and Mariam, from various album. The first one is one of my favorite. Well, I guess they are like the second as well. But the first one is Je pense à toi. I'm thinking of you. Mais moi aussi. And but he was thinking, Amadou was thinking about Mariam. Ah, okay. So it's a little bit different. We don't have this kind of relationship. And then we're going to listen to Ce n'est pas bon. It's not good. And they are talking about politics and corruption and that sort of things. And then Beau Dimanche, and that is from Dimanche à Bamako, with the fact that on Sunday, that's when they get married. All right, on y va, and we'll come back after. Eh bien, ça marche. C'est parti. Thank you.

politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Next time we are going to play, it's called Dimanche à Bamako. We need your help now. Show, show. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les funèbres et les jolis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les bons boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bases et les bongolas sont au rendez-vous. La mariée et le mari sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les otarama, les souvenirs, les taxis et les voitures, les frères, les sœurs, les badauds et les guillons. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Okay. Et voilà, voilà. So, three so what, songs. Yeah, what did we listen to? So the first song, I mean, the three songs were from and by Amadou and Mariam. Amadou let me not kill his name, Amadou Bakayoko, who just passed away at 70 years old, and his wife, Mariam, who's very, very sad. And so the first song was Je Pense à Toi, I Think of You, and it's from their album The Magic Couple from 2009. Then Ce N'est Pas Bon, It's Not Good, and it's from their album Welcome to Mali from 2019. And Beau Dimanche, is Dimanche à Bamako from 2004, but it was the Tiny Desk. It was a small concert, so that was more recent than the 2004. So yeah, celebrating Amadou, because he just passed and he was very famous. We I had the chance to see him at the Cedar. I think Adrien was there too. The concert? Yeah, I think so. Yeah, I might have been a summer, or but I was not in town. Yeah, it was at the Cedar Cultural Center. It was a great time, and so now we're gonna keep on playing them, but through other artists and where they contributed. So the first song is from Sophie Tucker and Amadou and Mariam. For those who are not familiar, Sophie Tucker is a duo that. Kind of DJ, Tucker is a DJ, and Sophie's a singer, guitarist, and she sings mainly in English and in Portuguese because she spent some time in Brazil. And so this song is called Mon Chéri, My Love, or My Sweetheart, and it's from their album Wet Tennis from 2022. Then we're going to listen to Christophe Maé and Amadou and Marianne with the song called L'Amour, which is a song from Christophe Maé, and it's from his album C'est drôle la vie from 2023. So we can hear them. And then Folamour with the song called Voyage, or Trip, and it's with Amadou and Maria. On y va? Eh bien, c'est parti. Tudo se esquece, tempo só existe.

peut changer la vie. En Europe, les pays asiatiques, voyager partout, ça peut changer la vie. La diversité, les amitiés, rencontre des gens, ça peut changer la vie. La diversité, les amitiés, rencontre des gens, ça peut changer la vie. Voyager partout, ça peut changer la vie. Et voilà, we are back, and it is 8:32, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy and Romain. And we just listened to three songs that Freddy is going to back announce. Yeah. Well, we listened to three songs with Amadou El Mariam, but I say with because the first song was Sophie Tucker and Amadou El Mariam with Mon Chéri, or My Love. Then Christophe Maé, also with Amadou El Mariam, with L'Amour, and Faux L'Amour with Voyage, featuring Amadou El Mariam. And Faux L'Amour was about traveling. That was pretty good. Mm-hmm. I liked it. Yeah, that was a good selection. Thank you. And the reason is because Amadou Bagayoko just passed at the age of 70. Mm-hmm. All right, well, we have another series of Amadou El Mariam. The first song is going to be with Soprano. Mm-hmm. So Soprano did a duo with On a besoin de toi, We Need You. I know. With, yeah, no, but that was not for you. Okay. And then Tairo with Fais les bouger, Make them move, still with Amadou El Mariam. And the third one is not with them. It's one of their songs that we just listened at the beginning, is Je pense à toi. But it's from Les Wampas. It's a cover, so mm-hmm. a little bit more rock, and it's a different interpretation. All right. Okay. On y va? Eh ben, c'est parti. Mon petit titi. C'est un avion. C'est pas l'avion de Paris? L'avion de Paris. Et justement. Tu n'as pas de nouvelles de ton frère? À chaque fois que je vois ces oiseaux de métal déchirer le ciel, je repense à mon grand frère et son rêve occidental. Tous les soirs, il nous lisait les lettres venues de la tour Eiffel, de son pote Moussa, parti pour aller faire une fac de lettres. Il disait qu'il était riche, qu'en France, l'argent pousse sur le sol. Là-bas, on te soigne gratuitement et même les pauvres vont à l'école. Il faisait rêver mon frère, lui qui voulait d'un autre avenir. J'ai perdu mon plus gros repère quand j'ai entendu mes parents lui dire Pourquoi tu quittes la maison vers la maison mon bien essentiel? Pourquoi tu quittes la maison? Ne crois pas que tout est mieux là-bas. Pour le monde de mal, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Qu'il nous a quittés toute la nuit, on vit les yeux ouverts. Depuis qu'il nous a laissés tous les jours, on attend une petite lettre. Est-ce qu'il y a la terre mangée? Il savait peut-être pas nager. Le cœur nous a lâchés quand son petit frère est venu nous dire. Papa, je quitte la maison, là-bas les hommes utilisent leur zèle. Maman, je quitte la maison, ne pleure pas, ton fils va vivre ses rêves. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. L'espoir des parents, l'avenir du pays. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Maman, je suis de retour. Là-bas, je croyais faire mon envol. Après l'école, je t'ai fait au black. Non, l'argent ne pousse pas sur le sol. Y'a qu'au football là-bas qu'on ne regarde pas la couleur de peau. Au pays de la liberté, y'a un berger et un troupeau. J'ai vu aussi mon grand frère. Il vit avec Moussa loin de la tour Eiffel. Ils ont stoppé la fac de lettres pour remplir l'assiette. Loin du soleil africain, tous les matins sur le marché. Les larmes aux yeux, il se souvient quand vous lui disiez. Pourquoi tu quittes la maison, vers la maison, oublie l'essentiel. Pourquoi tu quittes la maison, ne crois pas que tout est mieux là-bas. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. L'espoir des parents, l'avenir. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a ça sert à quoi? Dans ma musique et son discours, je veux qu'il y ait de l'amour. Dans ma musique et son image, je veux qu'il y ait vos visages. Dans ma musique et son discours, je veux vous donner de l'amour. Dans ma musique et son histoire, je veux qu'il y ait de l'espoir. Le cul par terre, tes angoisses on va les faire suer. Ah ouais. Les faire bouger sur un train d'enfer, le tempo comme un coup de fouet. Ah ouais. Faire tomber leur chiffre d'affaires, vas-y Mariam fais les chanter. Ah ouais. Elles ne passeront pas l'hiver, vas-y Yamadou fais les danser. Ah. Ouais, ta peine n'a aucune chance. On va lui couper son sifflet. Ici t'es sur la bonne fréquence. Allez, prends-moi ce loge. Ma musique, elle sera ça. La musique, ça sera ça. Si on l'a fait juste pour soi, dis-moi, ça sert à quoi? Dans ma musique, son discours, je veux qu'il y ait de l'amour. Dans ma musique, son image, je veux qu'il y ait vos visages. Dans ma musique et son discours, je veux vous donner de l'amour. Dans ma musique et son histoire, je veux qu'il y ait de l'espoir. Mon amour. Et voilà, voilà. We're back. It is 8:45 on KFAI Radio with Bonjour Minnesota. Mm-hmm. And we just listened to three more songs. Yes, we are doing a tribute to Amadou Bogayoko because he just passed away. So he was the Amadou from Amadou and Mariam. And we just listened to Amadou and Mariam avec Soprano with On a besoin de toi from his album La Colombe et le Corbeau from 2017. Then Tairo with Fais-les bouger, Make Them Move, and also with Amadou and Mariam. And then Les Wampas, a band that's more like rock and punk usually, but they did a cover of Je pense à toi, I think of you, which we listened at the very beginning of the show from Amadou and Mariam, but different interpretation, and that was pretty nice. I liked it. Yes. So Romain, maybe we should talk about movie a little bit. Yes. Movies. Yeah, because we're in the midst of MSPIF. Yes. 44. Yeah. And MSPfilm.org. Yes. And there are quite a few French-speaking movies. And I know, well, I was not here, but I know that you talked about that last week. Yes. We had Anjali, who's part of the community outreach. Yeah. And yeah, she talked a lot about the movies and the movies presented in French. And there's some Canadian movies and some French movies and Belgium. And we went together with Freddie and April. We went to see Monsieur Aznavour on Sunday night. Yes. That's a biopic of Charles Aznavour, obviously, co-directed by Grand Corps Malade. Yes, and that was good. And Tahar Rahim, the actor, is in French, you would say bluffant. Yes, I mean, like his expressions, and when we were seeing him from the side, it was totally him. I mean, yeah, no, that was really good. Especially that Tahar Rahim, I don't think he's as short as Aznavour was, and as But so. he had a play and acting with his shoulders that was totally Aznavour and that it was totally of a person of small size, you know, and just the facial expressions and that was good. And I mean, all biopics have parts that are not as compelling, and but that was good to see. That was not too long. It could have been like a 3-hour or 4-hour long film, and but that was good to it was made into chapters, and you could see also his relationship, which was friendship and work with Edith Piaf, and how he really wanted to make it, and he was never satisfied. He always wanted to be better, and he never thought of himself as like the star that he was. Even at the end, he kept when he died at 94, he was actually in the middle of a tour. And I know one of our friends who lived in Florida at the time, what's his name, Jerome, he went to see him, I think it was 93, when he performed in Miami. Yeah, that's so impressive. But yeah, it was very interesting to see the beginning of his life and his struggles, because I mean, Romain and I are about the same generation, and he was already famous in the 80s, and he was big. And well, he started, and go ahead. Sorry, I don't want to. And we never realized that his beginning were a struggle. And it's only when I started to volunteer at KFAI that I realized that he had a work relationship with Edith Piaf. And of course, the people who were hosting the show before knew that, but being younger, Edith Piaf was already dead, and I think it was interesting to see the beginning, the chapter during the war, his family, where they came from Armenia, and that sort of thing. I mean, and actually, at one point in France, and I'm talking about what I know professionally, they changed the law of copyrights the expiration of copyrights, and they aligned with what's going on here in the US, where copyrights expire 7 years after the death of the author. Yeah. But it used to not be that way. And Aznavour was the one who triggered the change, because he started in 1946. And his own copyrights were going to expire while he was still alive. Oh. And that's when the law changed. Okay. Well, and I mean, when he started with Pierre Roche, that was in 1946 with Le Feutre Topé and those songs. And so he passed away, when was it, 3 years ago? That was in 20... Yeah, I don't remember. 2021? Well, whatever. Something like that. And he was still, I think his latest album dated back from, like, you know, the late 2010s. Mm-hmm. So when you look at the, you know, the span, really decades. Yeah. And he was a very prolific composer, and he composed also for other people. Mm-hmm. So that was, that was pretty cool. Right. Actually, he wrote... what he was doing was writing the lyrics primarily, mm-hmm. except La Bohème. La Bohème, he composed the music, and the lyrics were by Jacques Plante. But La Plus Belle pour aller danser, Sylvie Vartan, that's him. And yeah. I Didn't Know Retiens la Nuit was from him. Yeah. Song by Johnny. It was a big success for Johnny. Mm-hmm. Johnny Hallyday. Yeah. That was good. That was good. Yeah. And we are going on Thursday. Mm-hmm. And we're going to go see... Les Barbares. Les Barbares, Meet the Barbarians. Yes. And it's a movie with and by Julie Delpy, with Sandrine Kiberlin. And I'm really looking forward to that film. And I'm going on Wednesday night to Misericordia, which is another French film. And what is it about? Well, they call it in the program a mind bender. Okay. It's some kind of a thriller. I don't really want to read much about it, because I don't like to know too much when I go to a film. No spoiler. And on Saturday, there are two French films in the afternoon. There's the latest, François Ozon, mm-hmm. who releases like one movie a year, you know, like Woody Allen. Yes. That one is with Josiane Balasko. And Hélène Vincent, I believe. I can't remember if... I think it's called... I can't remember the title in English. I think it's something like Welcome to Burgundy or something like that. No. That's not... No, but it takes place in Burgundy. That's why I'm thinking of that. There's the... what's it called? The title in English is Suleiman's Story. And it's the story of an African immigrant in Paris who works as a delivery guy for Uber Eats or something like that. And that's about his struggle to make, you know, a living, and also his struggle to get all the paperwork so he can actually be legal resident in France. Mm-hmm. And that young actor won the César, so the French Oscar, for the best upcoming up-and-coming actor. Okay. I didn't know that. So, yeah. But I don't stay up to speed as much as you do. When Fall is Coming. When Fall is Coming, but it takes... I don't know. I thought it was called, like, Welcome to Burgundy. Mm-hmm. But right. I think it takes place in Burgundy. And they actually... what I read from that film, they... kind of compare it with some of the Chabrol films. Yeah, Claude Chabrol is being invoked. Yes, it is Hélène Vincent. So and if Hélène Vincent was the mom in La Vie est un long fleuve tranquille. Oh, yeah. I mean, she was the, you know, the aristocrat. Yeah, the bourgeoise mom. Yeah, gotcha. So all right. Well, take advantage of it while it lasts. mspfilm.org, and you can go to the MSPF, and you can, there's filter to see if you want to see some movie by genre or by language or by country of origin. They separate the language with the country of origin, because some some movie that are not from France can be in French or partially in French. So, yeah, it's a great one. So, all right, should we play a little bit more? I mean, we have a few more minutes until nine. Yeah. So, well, being done with Amadou and Mariam and, you know, Amadou's tribute, because he just passed away at the age of 70, we're going to go to a playlist of spring. So All the songs now are going to be about spring. The first song is from M, or Mathieu Chédid. Oui. And it's a cover. It's called Soudain il neige en avril. And it's from the, it's a live version. It's featuring Billy Chédid, which I believe is his daughter. And it's the cover of the song from Prince, Sometime It Snows in April. Then we're going to listen to Marie Renaud, who's a stand-up comedian, famous on YouTube, but she had an album. And her album was Happy Flowers from 2022. And the name of the song is Il est où le printemps? Where is spring? Because it's not coming in the song. And sometime in Minnesota, we can feel that way too. When in May, it's still crappy. And then Paris Combo with La Belle du Berry, with it's from their first album, Attraction, in 2001. And the name of the song is Avril. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est parti. And an announcement before. Industrial, goth, classic. Tuesday, April 15th, KFAI brings you Circuit de You, live at the Cedar. With her latest release, Halo on the Inside, Circuit de You paints a dark electronic landscape that will seep into your mind and alchemize you from the inside. It's a celebration of the dark, with all of its beauty, all of its pleasures, and all of its terrors. Opening the show is Leia. Tickets for Circuit de You can be found at the Cedar's website. Visit thecedar.org for more details. Friday, April 11th, KFAI brings you The Weather Station, live at the Turf Club. The Weather Station's latest release, Humanhood, is an emotional tour de force, channeling the challenges of staying connected in an increasingly disconnected world. It promises to be a moving and musically groundbreaking performance that you won't soon forget. Opening the show, Sister Ray. Tickets for The Weather Station at the Turf Club can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Fixant sa photo, son regard m'hypnotise. Alors qu'il est parti, soudain je réalise. Personne n'improvise comme le prince, puis personne. Je pleure toujours d'amour, jamais de douleur. Soudain il neige en avril. Soudain je me sens si mal, si mal. Même si je sais que ce prince est immortel, les plus belles choses sur terre sont éphémères. Printemps est pourtant ma saison préférée, celle des amours solaires sous la pluie. Inconsolable, il reste la mélodie de Purple Rain. Je chante toujours d'amour pour sauver. Soudain il neige en avril.

c'est un homme habile. Au front court, à la front facile, un sanguin qui depuis tôt ce matin, depuis tôt dès son lever, a décidé que sa vie devait changer. Bien à l'heure où le soleil demeure un instant entre deux immeubles récents, entre deux il s'est installé au comptoir et il boit un café noir dans un rayon de soleil. Elle regarde la ville étage, elle a une vue facile, elle embrasse d'un coup d'œil les environs, toute l'agglomération, mais un rayon de soleil l'appelle dehors, elle sort. Il reprend sa monnaie d'un geste lent, puis d'un pas pressé perdu dans ses pensées, il la croise en magasin. Et voilà, voilà. 909. Indeed. Yeah, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And we just listened to three more songs. Yes, and thank you, Romain. And you're welcome, Freddy. We listened to M with Billy Shedid, Soudain il neige en avril, and it was live from 2020. Le grand petit concert maison. Mm-hmm. That's when it was confined. He decided to do like a concert each week, I think, once a week. Yes. He was like on a regular basis going live, and he made an album out of it. And then, so the song was Soudain il neige en avril, and it was the cover song of Prince, Sometimes It Snows in April. Then Marie Renaud with Il est où le printemps? Where is spring? And then, just now, with Paris Combo with Avril. And we're going to talk a little bit about the events. So, coming up on Saturday, April 12th, it's not a French event, but it's from the Balkan. It's Balkanicus. Music from Bulgaria, Serbia, and Turkey. and it's going to be at the U of M Lloyd Hilton Recital Hall. It's on the West Bank campus, Ferguson Hall. So the address is 2106 4th Street South. It's really next to KFAI. So it's the 21st annual concert of Balkan contemporary music, so with the U of M. Take advantage of it. Nikolai, our favorite host of Balkan Jamboree. Mm-hmm. Well, I shouldn't say favorite, because sometimes Elmar is pitching it too. So yeah. I don't want to make anybody jealous. But Nikolai will be there. He is going to be performing. And talking about other events, so we do have Cajun and music. I'm also trying to get back to my page where, oh, Les Navigateurs de la Littérature first. It's on April 9th, so coming up. It's an online event, and you can get more information and the link either at afmsp.org or on our Facebook page. The event is listed, and there's a link toward the Alliance Française. It's an online book club in French. Mm-hmm. And then Cajun Music and Dance Party, that's going to be Saturday at 7:30, goes until 10:30. It's the New Riverside Ramblers and Eric Moring, and it's going to be at the Fraternal Order of Eagles, 2507 East 25th Street in Minneapolis, Minnesota. So at the Eagle Club and Cajun Music. And it's always very casual, and it's a good time. Mm-hmm. Then Jazz and Java. It's going to be Sunday at 4 p.m. And it's an event by Café Acronion Orchestra with our friend Dan Newton. Mm-hmm. He might not know that we're friends, but I decided to. But we do. We do. We decided that he was. And Eric Morin as well. So Café Acronion Orchestra returns to Crooners for Jazz and Java, celebration of Parisian swing and waltz. And there's going to be a special guest, guitarist Mike Kramer. So Sunday, April 13th, between 4 and 5:30 at the Crooner. And the Crooner is www.croonersmn.com. Mm-hmm. And then Apéritif en Français, Thursday, April 17, between 6 and 7:30 at the University Club. And the University Club is at 420 Summit Avenue in St. Paul, Minnesota. And it's a conversation club. Mm-hmm. So you can, it's each month, the it's club's member setting. Bar. Great setting, yeah. Yeah, great setting, and it's a bar, so if you don't want to go to a coffee shop, to the French conversation group, or you can do both, I mean, but... Of course. It's in the evening, and they have a full bar, so that's a nice setting. And that's about it. So we're going to listen to more music? Yes, please. My playlist didn't work the way I wanted to. We're going to listen to more songs about the spring or le printemps. So we're going to listen to Julien Clerc with Ça commence comme un rêve d'enfant. Starts like a kid's dream. Mm-hmm. Then Jacques Brel with Au printemps. And Jean Ferrat, Au printemps, de quoi rêvais-tu? During spring, what did you dream about? Mm-hmm. And we'll be back parti. After that. Mm-hmm. On y va? Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et ça ressemble à un rêve d'enfant, on croit.

au printemps, de quoi riais-tu? Au printemps, de quoi rêvais-tu? Point levé des vieilles batailles, et qui sait pour quelle semaille? Quand la grève épousant la rue bat la muraille, au printemps, de quoi rêvais-tu? Au printemps, de quoi doutais-tu? Mon amour, que rien ne rassure, il est victoire qui ne dure que le temps d'un ave, pas plus, ou d'un parjure. Au printemps, de quoi doutais-tu? Printemps, de quoi rêves-tu? D'une autre fin à la romance, au bout du temps qui se balance, un chant à peine interrompu, d'autres s'élancent. Au printemps, de quoi rêves-tu? D'un printemps ininterrompu. Festival de las Calaveras brings Piñata Protest to the Hook and Ladder Theater Thursday, May 8th. Piñata Protest is a punk rock conjunto accordion attack, fusing traditional Latin music with punk, ska, and tejano, like a lucha libre mosh pit. Adding to the party will be local bands Jaguaro, America y Los Sentimientos, DJ Superbrush 427, MC Montserrat Resendiz, and DJ Busque. And don't forget the face painting, payasos, lotería, arts and crafts vendors, Rudo's Lucha Libre, and Arfrida's food truck. Tickets for Piñata Protest can be found at the Hook and Ladder website. Visit thehookmpls.com for more details. Take a break from your tax day headache when KFAI presents James McMurtry live at the Fine Line, Tuesday, April 15th. James McMurtry's latest release, The Horses and the Hounds, is quickly becoming an Americana classic. Filled with McMurtry's trademarks, memorable characters, moving stories, and music that serves to bring it all to life. Tickets for James McMurtry, live at the Fine Line, can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà, we are back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Romain. And Freddy. Et ouais. And we just listened to three songs about the spring. Julien Clerc with Ça commence comme un rêve d'enfant. Then Jacques Brel with Au printemps. And Jean Ferrat with Au printemps, de quoi rêvais-tu? And we're going to keep on going until 10 o'clock. Ben bien sûr. On est là pour ça. For Balkan Jamboree. And we're going to keep listening to songs about spring. So the first one is from Charles Aznavour. Oh. And it's from 1965, and it's called Au printemps, tu reviendras. Mm-hmm. In spring, you'll come back. Then Messiah, with Avril, like the month of April. Mm-hmm. And then a CD that I got from Georgette. Oui. It's a collection of choir. It's Chorale Médéo de Mont-Saint-Alignan. Non, Mont-Saint-Aignan. Mm-hmm. J'ai du mal ce soir. Oh là là. Oh là là. Voici le joli mois d'avril. Et here Mont-Saint-Aignan, that's a suburb of Rouen. I don't know. Mm-hmm. That's where the university in Rouen

sur la tête, je goûte au jour de ma défaite. Oh, comme je t'adore, avril, verse une larme vermeille, t'emporte et m'ôte le sommeil. Je t'aime encore, je ne sais plus, tu ne sais plus que faire de mes silences. Et voilà, voilà. Et voilà, we're back. Back with a selection of songs from spring. We started the show this tonight about Amadou. Mm-hmm. Who passed away. And so we play some song about from Amadou and Mariam and with Amadou and Mariam. Mm-hmm. But now we are talking about spring or picking songs about spring. So the first one was from Charles Aznavour, Au printemps, tu reviendras. then Messia with Avril. That was pretty nice. I liked it. Mm-hmm. And Chorale Medeo de Mont-Saint-Aignan, Voici le joli mois d'avril. And we're going to keep going until 10 o'clock, mm-hmm. Until back on Jamboree. Just a reminder that the pledge drive starts... Tomorrow? Well, tonight, at midnight. Tonight. Yeah, midnight. I mean, and after, like, starting tomorrow for about 10 days, the pledge drive is a little bit shorter than usual. There's going to be people answering the phone if you want to, you know, call mm-hmm. and give. Otherwise, you can give online and pick your premium and tell everybody that we are your favorite show. Mm-hmm. And we'll be happy about it. Of course. And so we're going to keep on playing songs. The one coming up is Maxime Gériffrez with Avril. Mm-hmm. And it's fairly recent. It's from 2020. It's from this, the label called La Souterraine. Ah oui? Mm-hmm. And it's from their album called Allo Pop, numéro 1. And they have compilation, La Souterraine, of their various artists. And it's pretty cool. Then Clio with Printemps. Spring, mm-hmm. and then André Claveau with Cerisier Rose et Pommier Blanc. Mmh. On y va? Eh bien, c'est parti. Allô, la souterraine, ici la rue Vauban. Changer de ville, changer de roman, partir sans les bijoux, les valises et le temps. Changer de vie, déjà lu, je m'ennuie. Fuck le canapé, t'étais là, j'en rêve encore. Encore. Pas vu d'avril, pourtant si long, comme un tableau de chasse où taguaient mes démons. Pas vu les news, j'ai fait le mort. Changez-moi de place, changez-moi de corps. Voici que revient le printemps, et me revoilà en printemps, juste pour une année volage, un plus grand âge, juste pour une année passant, un âge plus grand. Printemps, tu m'aimes, ça va de soi, mais tu ne me rajeunis pas. Moi, je suis d'avril, et à moins que je me défile une hirondelle de passage, viendra poser sur mon visage un nouvel âge. Les saisons, c'est plus fort que nous, ça se relève à tous les coups. Chaque année un nouveau printemps, et ça se voit. Chaque année c'est nouveau pourtant, à chaque fois. Un peu plus près du précédent, un peu plus près du précédent. Et moi je suis d'avril, et à moins que je me défile une hirondelle de passage, viendra poser sur mon visage un nouvel âge. Printemps, printemps, prends ton temps. Printemps, printemps, prends ton temps. C'est plus du tout gris, c'est tout vert. C'est plus si froid, c'est plus l'hiver. C'est d'où la lumière sur le soir. Les jours s'allongent. Un peu de soleil sur nos histoires. Un coup d'éponge sur les jours sombres de janvier. Sur les jours sombres de janvier. Et moi, moi je suis d'avril. Et à moins que je me défile une hirondelle de passage, aura posé sur mon visage un nouvel âge. Printemps, printemps, prends ton temps. Printemps, printemps, prends ton temps. Voici que revient le printemps, et me revoilà en printemps. Juste pour une année volage, un plus grand air. Juste pour une année passant, un âge plus grand. Printemps, je t'aime, ça va de soi, mais tu ne me rajeunis pas. À la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage. Non, non, quand deux lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Et voilà, we are back at 9:46, and it is still Bonjour Minnesota on KFAI. Yeah, and we'll be back next week, but we still have time for some songs. Oh, so we just listened to Maxime Jerry Fraisse with Avril, Clio with Printemps, et André Claveau with Cerisier Rose et Pommier Blanc. And maybe you guessed it, the theme tonight is spring. Mm-hmm. And actually, I had like 8 hours of spring if I wanted. I had to make it shorter. And Amadou's tribute took part of it too. So before leaving, we're going to listen to Charles Trenet with En Avril à Paris. Which means like in April in Paris. Mm-hmm. Yvette Giraud with Avril au Portugal, April in Portugal. Mm-hmm. And Pierre Perret with C'est le printemps. And it's kind of a little bit, I mean, he's talking about mm-hmm. a lot of natural phenomena that happen in the spring. So, yeah. All right, on y va. And on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris. À Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Il fait si bon, mamie, de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps, au milieu de la fête du printemps. Voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris. je vais vous raconter ce qui m'est arrivé sous un ciel où l'été s'attarde. Histoire d'amoureux, voyage aventureux que pour mes jours heureux je garde. Un grand navire à quai, la foule débarquait, deux yeux sous des bouquets, regarde. L'amour devait rôder, puisqu'on s'est regardé, et mon cœur s'est mis à chanter. Avril au Portugal, à deux, c'est idéal. Là-bas, si l'on est fou, le ciel est plus que beau. Pour un sentimental, l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Le soir, sous mes yeux clos, glissant au fil de l'eau, je vois par le hublot la rive. Des voiles de couleurs, de lourds parfums de fleurs, des chants de bateleurs m'arrivent. Tout ça berce mon cœur d'un rêve de bonheur où les regrets ailleurs me suivent. L'amour devait savoir en nous suivant le soir que j'aimerais un jour le revoir. Avril au Portugal, à deux, c'est idéal. Là-bas, si l'on y fout, le ciel est plus que beau. Pour un sentimental, l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Avril au Portugal. C'est le printemps, tout le monde baise à perdre haleine. Les reins des chattes et des hyènes vont endurer du mauvais temps. C'est le printemps, le clébard marche sur six pattes. Les macabées soulèvent les boîtes, les taureaux montent sur leur maman. C'est le printemps, le lièvre dit à la tortue, je t'en supplie, dégage la rue. Pour moi c'est fini depuis longtemps. C'est le printemps, la chef de monsieur Seguin demande au loup qui a la lippe friande s'il veut pas la sauter avant. C'est le printemps, chaperon rouge en moins d'un quart d'heure découvre les vertus du beurre dont elle usait tout autrement. C'est le printemps, le renard dit au corbeau t'es bête, si seulement t'enlèves ta jaquette je te laisse ton calando coulant. C'est le printemps, Pinocchio qui voit que sa bébête s'allonge autant que son pifomètre, renverse les chaises en pleurant. C'est le printemps, l'ogre qui a passé l'hiver sage, qui a un faible pour les pucelages, réveille le prince charmant. C'est le printemps, y a la tour Eiffel qui s'emballe, qui se penche sur le trou des halles pour lui faire un jardin d'enfants. C'est le printemps, deux escargots sur l'herbe tendre qui copulaient depuis septembre viennent de prendre le pied brutalement. C'est le printemps, la jeune veuve avant qu'elle se fane se fait le meunier, son fils et l'âne, laboureur et ses enfants. C'est le printemps, Blanche-Neige est fatiguée, pauvrette, de recoudre les boutons de braguette. Des nains qui bandent comme des purs sang, c'est le printemps. Le petit poussé sème la pilule, inutilement car ça pullule. De gros bûcherons tout frémissants, c'est le printemps. Cendrillon rêve d'avoir un Jules qui puisse, comme cette foutue pendule, tirer ses 12 coups en suivant. C'est le printemps. Je vous quitte la baie, bien cher frère. Ma femme m'a dit que je vais me faire la paire. Je sais pas laquelle exactement, car c'est le printemps. Et voilà, voilà. Voilà, we're back for... saying goodbye. Yes. And remind you that the pledge drive starts tonight at midnight. In a little over 2 hours. Yeah. So, and in 3 minutes, that will be Balkan Jamboree with Nikolai. Exactly. But what did we listen to? We listened to Charles Trenet with En Avril à Paris, then Yvette Giraud with Avril au Portugal, and... just now was Pierre Perret with C'est le printemps. So we will probably have time to listen to one more song. I think I'm going to try to shoot for Laurent Voulzy, La fille d'avril. Ah, c'est très bien. Ça te tente? Ça me tente. So, good night. Have a good week. And we'll be... la semaine prochaine? Yeah, la semaine next prochaine. Next week will be Pledge Drive. So I'm planning a playlist about money and giving and that sort of thing. So okay, sounds good. Au revoir. Au revoir. See you.